Le Rassemblement national consacré au 107e anniversaire de la Journée internationale des femmes 8 mars a eu lieu mercredi au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les officiels intéressés, les femmes cadres, travailleuses et membres de l'Union des femmes de la ville de Pyongyang. Y ont été invités les Coréennes d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste, les femmes des représentations diplomatiques et des institutions internationales en Corée et autres hôtes étrangers. Dans son rapport, mandaté par le dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, Choi Ryong-hae a adressé les salutations et félicitations chaleureuses à toutes les femmes du pays à l'occasion du 8 mars. Il a parlé du mouvement féminin coréen Juche qui a débuté et a parcouru le fier projet de développement sous la direction des grands leaders et partis. Il a indiqué notamment « Le président Kim Il-sung a perçu l'importance du problème féminin dans la cause révolutionnaire pour marquer le début du mouvement féminin coréen original au temps de la guerre révolutionnaire anti-japonaise et établir la glorieuse tradition afin d'inaugurer la nouvelle histoire du mouvement féminin coréen. L'histoire glorieuse du mouvement féminin coréen enregistre les exploits immortels de Madame Kang Ban-suk, éminente dirigeante, et de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, qui ont soutenu impeccablement la direction révolutionnaire du président jusqu'au dernier moment de leur vie. Leur vie révolutionnaire sublime servent d'exemple noble pour les femmes coréennes. Les femmes ont pu devenir fleurs de la famille, de la vie et du pays, tout en manifestant parfaitement leur puissance et passion, même dans les moments durs sans précédent dans l'histoire, grâce à l'amour et à la confiance du général Kim Jong-il. Aujourd'hui, le mouvement féminin coréen salue son ère de développement suprême grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un. J'invite toutes les femmes à s'acquitter de leurs glorieuses responsabilités et missions dans la lutte pour le progrès victorieux du mouvement féminin coréen et l'achèvement de la cause révolutionnaire Juche sous la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un, tout en arborant le drapeau de la transformation de toute la société selon le kimilsunisme kimjonglisme.